kif qui veut dire les puissants. Alors, la vidéo, dans la vidéo, il y a les trois derniers passages qui sortent là, je vais vous les traduire en français. Le premier, c'est Jean 1, 18, ce qui ça dit. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans les seins du Père, et c'est lui qui l'a fait connaître. Le suivant, c'est Hébreux 1, 3, qui dit, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de ses personnes, de sa personne, et le soutenant toutes les choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Et le suivant, c'est Jean 8, 52, qui dit, Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, avant qu'Abraham fît, je suis. Le suivant, c'est Jean 14, 9, qui dit, Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu, a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Cette vidéo nous parle de Dieu qui s'est révélé à Abraham. Et pourtant, dans la Bible, on dit, celui qui a vu Dieu, personne ne peut voir Dieu, puis rester en vie. Et pourtant, dans ces versets, on nous dit que Dieu s'est révélé de plusieurs façons à Abraham. Et je vais finir par en poser une question qui est dit dans la vidéo, qui dit, est-ce mal de dire que Dieu est devenu homme, et est-ce contraire à la religion d'Abraham?